Phonétique. Activité 9. 1. Train. Grain. 2. Clic. Clic. 3. Égoutte. Écoute. 4. Quelque. Quelque. 5. Bac. Bague. 6. Groupe. Croupe. 7. Il coûte. Il goûte. 8. Masque. Masque. 9. Gare. Car. 10. Qui. Guy. 11. Sac. Sac.